Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le territoire non cédé du Niaouin-Thio, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console, à la mise en onde, aux médias sociaux, à la co-animation. Bonsoir Mathilde! Salut Christelle! Comment vas-tu? Super bien, comme une grosse soirée. Toi? Oui, mais moi aussi, je vais bien. Je suis heureuse, justement, du menu de l'émission. Je pense que c'est un beau spécial dédicace qu'on a présenté ce soir, qu'on présente ce soir. Mmh. Est-ce que tu as envie de nous décrire un peu ce qui est prévu à l'émission? Ben oui, ça va être quand même assez simple. On prend tout l'épisode de ce soir pour aller à la rencontre des 10 artistes visuels qui occupent les ateliers de la Maison Longue, un immeuble regroupant les 10 ateliers d'artistes en art visuel en plein cœur du quartier Saint-Roch à Québec, qui a été fondé en 1993. La Maison Longue célèbre ses 30 ans cette année de création et d'échanges artistiques, mais également sa longévité et l'importance de ce modèle d'atelier-là pour la ville de Québec. Donc, Ils préparent en fait deux grosses expositions qui vont avoir lieu en simultané. Il y en a une qui va être présentée au Centre Materia, l'autre à Critérium, et puis en même temps, ils font deux fins de semaine de portes ouvertes pour accueillir le public dans les ateliers, aller à la rencontre à la fois des artistes, mais aussi de prendre la mesure des espaces et puis de voir en fait le rêve. Hein? C'est un rêve pour plusieurs artistes. Plusieurs artistes rêvent d'avoir un espace d'atelier, de pouvoir l'investir dans la durée. Donc, c'est vraiment touchant de voir des gens qui ont eu accès à ça puis qui ont pu faire une belle et longue carrière un peu grâce à ça. Il y a la sélection audio de ce soir aussi qui a été présentée préparée par Simon Roy, fidèle mélomane ici à CKRL, qui nous donne un bon coup de main à chaque semaine. Il nous propose cette semaine de découvrir le tout premier album du groupe Confiture Maison. L'album s'intitule « Température locale ». Confiture Maison, c'est un band originaire de Rimouski qui nous offre un rock de chambre aiguisé à grands coups d'amour et d'air salin. Donc, ça me donne très, très envie, cette belle quote-là. La première piste qu'on écoute s'intitule « Hey, là ». Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, sur les ondes de CKRL 89.1. Et je suis en studio avec Mathilde Harvey-Morin. On écoutait le band Confiture Maison. Vraiment un coup de cœur. Très hâte d'écouter les prochaines pistes. C'est la piste qu'on écoutait s'intitule « Hey, là » de leur tout premier album, « Température locale ». On commence l'émission avec ce grand sujet qu'on va explorer tout au cours de l'heure ensemble. Il s'agit d'une célébration des 30 ans de la Maison Longue. La Maison Longue, comme on le disait en début d'émission, c'est des ateliers d'artistes qui ont été créés en 93. C'est un immeuble qui est situé à Saint-Roch, vraiment au cœur du centre-ville, tout près du lieu central en art actuel. Et c'est un très, très bel édifice qui a été très bien conservé par les propriétaires. C'est un regroupement d'artistes qui ont acquis l'immeuble ensemble en 93 et qui ont créé ce modèle-là d'atelier où ils sont propriétaires. Chacun est propriétaire de son atelier. Et ils ont donc sorti l'immeuble du marché de la spéculation immobilière et ils ont été capables de garder là, une valeur foncière pour l'immeuble en très, très accessible pour que des artistes soient en mesure d'avoir leurs espaces, mais pas de se faire, en fait, de se faire mettre la pression par les augmentations des taxes, etc., etc. Donc, le modèle de création derrière la Maison Longue est très, très, très spécial et très intéressant. D'ailleurs, ce sera l'objet, en fait, d'une grande journée de réflexion qui est organisée dans le cadre des célébration de les 30 ans de la Maison Longue. Il y a une conférence qui est organisée samedi le 8 juin à la Charpente des Fauves autour de la question actuelle du besoin d'ateliers à Québec et en après-midi notamment l'artiste Daniel April qui était la porteuse du projet lors de la création de la Maison Longue va nous partager les étapes, les tribulations, toutes les challenges, les défis qui ont été conquis pour pouvoir créer ce modèle-là et où il s'en trouve aujourd'hui Est-ce que ce modèle-là serait reproductible à l'heure actuelle pour des artistes qui, comme nous, sommes à la recherche d'ateliers? Donc, c'est le 8 juin, toute la journée, à la maison longue? Non, c'est à la Charpente des Fauves, à l'ancienne Maison Jaune. Bon, je suis confuse. La journée de conférence a lieu à la Charpente des Fauves samedi, le 8 juin, et c'est à l'initiative de la Maison Longue. Pour ce premier segment d'émission, je vous propose d'écouter d'ailleurs l'entrevue que j'ai réalisée avec Daniela April, mais cette fois au sujet de sa pratique. Elle nous explique particulièrement ce qui l'intéresse et nous présente les pièces qui seront mises en espace dans les deux expositions simultanées qui auront lieu prochainement. Donc d'abord celle à Critérium qui sera vernie le 24 mai et celle à Materia qui elle aussi le vernissage jeudi le 23 mai mais qui ouvre officiellement vendredi le 24 mai. Donc on écoute l'entrevue avec Daniela April. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de photos dans ma vie et j'ai beaucoup de photos que j'ai jamais présentées. Puis comme je te l'expliquais tout à l'heure, je suis une artisane, j'aime ça manipuler la matière. Et la photographie, c'est quelque chose d'absolument magique, même la photographie argentique. On prend une image dans une boîte noire, puis ça sort sur un papier dans une salle noire, puis ça se révèle dans une chimie. Et je sentais que j'étais pas là. Alors, j'ai beaucoup fait des photogrammes. Donc, je suis intervenue entre l'agrandisseur puis le papier avec des éléments, avec mes mains, avec toutes sortes de choses. Et après, quand j'avais les photos, j'étais pas encore assez là, à mon point de vue. Alors, je les abîmais pour les combiner ensemble. Et c'est encore ce que je fais. J'ai beaucoup de matériel, j'ai beaucoup de photographies. Et actuellement, je les tisse. Deux photos ensemble et l'œuvre que je vais présenter, c'est un tondeau, c'est un grand cercle combiné de deux photographies de paysages, de montagnes. Il y en a une des photos, c'est une montagne, ce sont les Rocheuses, et l'autre photo, c'est une montagne aux États-Unis, je ne me souviens plus exactement où, j'ai ça en note quelque part, mais bon. Et j'ai rehaussé ça avec de la feuille d'or parce que parallèlement à mon travail de photo, je fais des œuvres, une série d'œuvres qui s'appelle Méritoire méconnu. Je travaille avec du verre beaucoup, du bois. En fait, j'ai fait une série de médailles pour des femmes, Méritoire méconnu. Alors, ce sont toujours des formes rondes, des médailles. Avec de la feuille d'or, parce qu'elle mérite le top de l'or. Et le verre, ben, c'est le plafond de verre qu'elles ont connu. Puis dans ces choses-là que je vais exposer chez Materia, elles portent toutes le nom d'une femme qui est méritoire et méconnue dans son domaine. Plusieurs d'entre elles auraient mérité des prix Nobel, puis elles ne les ont pas eues parce qu'à l'époque, ça ne se donnait pas des femmes. C'était des femmes qui n'avaient pas eu la possibilité d'aller dans des universités canadiennes notamment, aux États-Unis, c'était un peu plus ouvert, ça dépend des États. Et donc ces femmes-là n'ont jamais été reconnues, alors qu'elles sont à l'origine de bien des découvertes. Alors c'est une série de médailles, il y en a de toutes les sortes. En fait, je vais faire du bruit. La première médaille que j'ai faite, j'ai toujours été un peu féministe, c'est comme ça qu'on appelle ça les femmes de mon âge qui ont enlevé des choses. La première médaille que j'ai faite, c'est celle-ci. Elle est dédiée à Carrie Matilda Derrick. Carrie Matilda Derrick, c'est une femme qui s'est intéressée à la biologie, à la botanique, c'est-à-dire. Elle devrait être aussi connue que Marie-Victorin. Mais c'est la première femme professeure à l'Université d'Ottawa. Elle a répertorié tous les arbres qui ont poussé au Canada. En fait, un répertoire, c'est absolument fabuleux. Et il n'y a pas un parc, une rue, une place qui porte son nom. Ça m'a touchée parce que j'ai une petite fille qui s'appelle Mathilda. Puis je réfléchissais à un moment donné... À mes petits-enfants, j'ai deux petites filles, Puis je me disais, une petite fille, dans le monde dans lequel elles arrivent, c'est pas le même monde dans lequel je suis arrivée quand j'avais 6-7 ans, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé sur le plan de la société, de la représentation? Puis la représentation, on est là-dedans, là, avec les médailles, puis avec les noms, puis avec la reconnaissance sociale. Puis là, je me disais, mais pas tellement. Et ça, ça imprègne quelque chose dans l'esprit des jeunes filles, des enfants, femmes, qui grandissent. Il y a comme quelque chose qui pèse. Le plafond de verre, il est là, il est invisible. Quand on navigue dans un brouillard... puis on voit pas les rochers où on peut s'échouer. On les voit pas, mais ils sont néanmoins présents. Hein? Oui. Alors, il faut vraiment faire des choses. Alors, ce sont des médailles pour des femmes. Puis, et là, j'ai découvert 8 femmes qui auraient dû avoir des prix Nobel. Alors, c'était Danielle April qui nous présentait le vaste projet qu'elle appelle « Mémorable méconnu », un projet d'œuvres sculpturales, de médailles, qui seront, dont certaines seront présentées à la Galerie Materia du 23 mai au 8 juin, dans le cadre de l'exposition pour célébrer les 30 ans de la Maison Longue. Elle nous parlait aussi de 2 pièces de photogrammes, photos tissées qui seront installées, celles-ci, à Critorium, dans les mêmes dates, dans le cadre de la 2e exposition. Avant d'aller en pause, je voulais vous partager la rencontre que j'ai faite avec France McNeil, une autre des artistes qui occupe un atelier à la Maison Longue et qui est sur le premier étage, la même chose que Danielle, et qui a une démarche tout à fait dans un autre ordre. Elle nous parle de son amour de la nature, notamment. On écoute l'entrevue avec France McNeil. Ça fait plaisir de partager avec toi ma passion pour les arts. C'est généreux. La première question, c'est de présenter votre démarche, tout simplement, dans vos mots, puis où est-ce que vous en êtes rendu à l'heure actuelle? Ma démarche, c'est un long parcours, hein? C'est un aboutissement, bien, ça aboutit jamais, hein? On est toujours en recherche, mais ma démarche d'aujourd'hui, bien, est tributaire de tout ce qui est venu avant, là, tu sais, c'est comme... Ça c'est pas parachuté, hein, la démarche. Donc, moi, j'ai toujours été une personne proche de la nature, puis ben, la nature a fait partie de mon travail d'artiste, puis de ma démarche aussi. Là. C'est pas très original. Il y a beaucoup d'artistes qui se définissent à partir de la nature, mais en même temps, ben, je peux pas... Je ne peux pas renier cette partie-là de moi. Là. Alors, c'est une source de beauté universelle. Oui, aussi. Puis moi, c'est ce qui me nourrit, tu sais, la lumière, les couleurs, la forêt, parce que c'est beaucoup... l'évolution se dirige tranquillement, progressivement vers la forêt, vers la... L'espèce de fouillis qu'on trouve quand on marche dans une forêt, on n'a plus de forêt vierge comme telle, mais pas nécessairement dans un parc, là, dans une forêt qui n'est pas domestiquée, hein, qui a comme plein d'arbres morts, de branches, de toutes sortes de choses qui poussent. Puis moi, ça me... Comment je dirais ça? Ça me rejoint dans l'espace. C'est en même temps que c'est un espace de liberté, en même temps, c'est plein de contraintes parce qu'on ne peut pas y circuler comme on veut. Puis c'est aussi pour moi un genre de symbolique de la force de toutes ces branches-là ensemble. C'est comme, pour moi, ça me rappelle la force de tous les êtres humains ensemble quand on décide de s'unir dans quelque chose, puis qu'on... et que c'est... disons que c'est... Je sais pas si j'arriverai à vraiment dire ce que j'ai envie de dire dans cette démarche-là, mais être en processus, on va dire ça. C'est un processus qui m'habite. Puis les techniques... c'était un bref entrevue de l'entretien que j'ai eu avec France McNeil au sujet de sa pratique. Je vous encourage beaucoup à aller visiter les ateliers lors de leur période d'ouverture. Ce sont en fait deux périodes avec présence des artistes, les 24 et 31 mai de 17h à 20h, ce sont les vendredis soirs, et ensuite les fins de semaine, samedi et dimanche, du 25 et 26 mai, du 1er juin et du 2 juin, de 13h à 17h. Les ateliers de la Maison Longue sont situés au 650 rue de la Salle. France McNeil, c'est le premier atelier que vous allez rencontrer sur votre droite au premier étage en entrant. Et les murs sont recouverts de plusieurs séries de tableaux qu'elle a travaillés dans les dernières années. C'est très riche en couleurs et il y a même des tableaux qui sont installés dans le corridor. Donc, vous allez pouvoir plonger dans son univers. Je vous invite à aller à sa rencontre. Nous, on part en pause musicale avec une deuxième piste du groupe Confiture Maison de Rimouski. La piste s'intitule Café et elle est tirée de leur premier album, Température locale. Rebienvenue, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro dans les studios de CKRL 89.1 dans Limoilou à Québec avec Mathilde Harvey-Morin à la console et la co-animation. On continue notre émission spéciale dédiée aux célébrations des 30 ans de la Maison Longue, les ateliers d'artistes qui sont situés ici, tout près, dans Saint-Roch. Je vous parlais juste avant la pause des ateliers ouverts, là, des visites d'ateliers qui sont permises. On a entendu les entrevues que j'ai réalisées avec Daniel April, ensuite avec France McNeil. Je vous propose de poursuivre la visite du premier étage et d'aller à la rencontre du peintre Paul Béliveau, un peintre quand même d'une reconnaissance assez importante là, sur le plan national et même international. Et j'ai eu la chance d'échanger avec lui au sujet de sa pratique et des petits tableaux qui seront installés notamment dans l'exposition à Critérium, on l'écoute. En fait, les gens me connaissent surtout pour être un peintre figuratif. Mon travail est beaucoup axé sur, je vous dirais, la culture, le savoir, les hommages, parfois des œuvres revendicatrices, comme par exemple la série des autodafés. Donc, c'est un ensemble de choses sur lesquelles j'ai toujours navigué depuis 1977, depuis que j'ai commencé à être dans le milieu au niveau professionnel. Et ça a beaucoup évolué au fil des années avec plusieurs séries. Passant du dessin à la gravure, de la gravure à la peinture, quelques projets d'intégration entre-temps qui s'est terminé en 2000 pour me consacrer uniquement avec les galeries qui m'ont beaucoup diffusé au Québec, au Canada, puis aussi une galerie à Londres, aux États-Unis en même temps. Donc, c'est ma carrière depuis 2000 est vraiment axée sur la peinture. Donc, ce qu'on va retrouver, par exemple, chez Critérium, c'est deux séries. Un grand tableau qui est un hommage à Anne Frank dans la série des autodafés, qui est la pièce maîtresse qui va être, pour moi, qui va être présentée là-bas, avec un autre tableau de la série que j'ai réalisée durant le temps de la pandémie qui s'appelle « L'éternel retour ». Et le sous-titre que je donnais à chaque tableau que vous voyez derrière vous, c'est toujours des tableaux qui ont un sous-titre qui a rapport à la pandémie, mais sans jamais parler de la pandémie. Donc, ça peut s'appeler le couvre-feu, la distanciation. Donc, chaque sous-titre a un rapport avec la pandémie parce que c'était fait durant ce moment-là, mais je ne parle pas de la pandémie. Donc, je joue beaucoup sur des collages d'images, de symboles, d'icônes, d'émoticônes. Donc, c'est toujours un travail qui fait naviguer à la fois l'histoire, la culture, que j'aime bien fusionner ensemble pour raconter quelque chose. Donc, ces deux tableaux-là qui vont être présentés, seront présentés à la Galerie Materia. Dans le cas de Critérium, j'ai récemment fait une petite série pour ma musique qui s'appelle la série Craft, qui est une série sur les sacs de papier. Moi, j'ai fini mes beaux-arts en faisant une série de dessins, 23 études de dessins sur le sac de papier, qui était à l'époque des dessins sur un fond blanc, c'était très, très réaliste, sur fond, c'est un peu comme une autopsie de l'objet, un objet qu'on utilise quotidiennement. Puis j'avais le goût de reprendre cette série-là en peinture avec un cadre qui nous rappelle quelque chose d'un peu classique. C'est très orné. C'est très orné. Mais en fait, je dirais que c'est comme un cadre qui me rappelle beaucoup les encadrements flamands. C'est très sombre, avec souvent beaucoup de dorure, beaucoup de travail dans le bois. Et puis, moi, je voulais intégrer à l'intérieur de cette série-là un mot qui a rapport avec l'objet qu'il y a à l'intérieur du sac. Donc, le sac nous cache un objet, mais le mot nous en dit, nous donne une piste, mais sans vraiment révéler ce qu'il y a dedans ou ce qu'il n'y a pas dedans, finalement. Et cette série-là va être présentée chez Critérium. Il va probablement en avoir deux. Donc, c'est tout récent. C'est une série que je me suis amusé à faire avec bonheur, parce qu'au fond, c'est comme cyclique. Je reprends un vieux thème qui date de 45 ans à peu près, pour le recontextualiser aujourd'hui en peinture, alors qu'à l'époque, je ne pouvais pas le faire en peinture, mais maintenant, ma technique me permettait de le faire. En faisant toujours des clins d'œil à l'histoire tout le temps, parce que en utilisant des cadres comme ça, puis en écrivant un mot à la feuille d'art, ça nous rappelle beaucoup les cadres anciens où les artistes avaient souvent une petite plaquette de cuivre où tu avais l'indication de l'artiste puis le titre. Alors, c'était Paul Béliveau qui nous parlait des différentes séries, en fait, au total 3 séries qui seront présentées dans les 2 expositions pour les 30 ans de célébration de la Maison Longue. Paul, en fait, nous parlait aussi de toutes ses inspirations, à quel point il puise dans l'histoire de l'art pour travailler les différentes caractéristiques formelles de ces séries. J'en ai beaucoup appris. C'était un plaisir d'échanger avec Paul. Et si vous voulez vous-même vous prêter au jeu de la visite de son atelier, de plonger dans son univers, je vous recommande fortement de passer par les ateliers. J'aimerais en fait poursuivre avec une prochaine rencontre que j'ai faite, c'est-à-dire avec Madame Odette Théberge, qui est le dernier atelier du rez-de-chaussée. C'est Odette qui nous parle aussi de son travail de peinture, un travail qui a été soumis à toute une nouvelle démarche dans les dernières années. Donc je vous partage ses propos. Ben, faut dire au départ que ça fait un tout petit peu plus que 50 ans que je suis dans la pratique. Alors, j'ai beaucoup d'œuvres. Okay. Donc, depuis 2008, je travaille avec des œuvres antérieures que je détruis, que je réutilise autrement. Donc, c'est un procédé de surcyclage, qu'ils appellent, mais involontaire. Ça a commencé par d'autres. Un contexte, mais depuis ce temps-là, je n'ai que fait ça, réutiliser des œuvres antérieures. Que ce soit des œuvres papier ou des œuvres sur toile, ça a été difficile à commencer parce que c'est cruel, cruel, c'est relatif, mais de détruire des œuvres. Mais c'est mes œuvres, ce sont mes œuvres, donc je peux faire ce que je veux. Donc j'ai commencé par des tableaux. Des fois, ça, en 2008-2009-10, ça me prenait 2 ou 3 tableaux pour en créer un. Fait que j'en ai détruit plusieurs. Et puis, ça a amené différents groupes d'œuvres, les fragments. Après ça, il y a eu la série blanc où, pour détruire, je peignais en blanc tous mes tableaux. Ça a été atroce à commencer, mais un coup parti, ça va bien. Puis, par la suite, ben, c'est les résonances qui ont commencé, c'est-à-dire introduire ce que je faisais sur des œuvres papier, les chroniques qui étaient des photographies urbaines que je prenais avec en voyage ou ici, où les murs racontent une histoire. Okay? Les murs ont une histoire. Souvent, il y a des textes écrits, mais aussi des couches de couleurs, des couches de matériaux et tout ça. Fait que j'ai photographié ça pendant des années sans les utiliser. Mais à travers mes tableaux, je faisais ça aussi, les photographies imprimées que je rehaussais avec du dessin et du collage. Fait que je me suis mis à utiliser ça aussi dans mes tableaux pour une certaine période. Fait que ça a créé les résonances. Qui sont ici, là, mais que j'ai terminé l'année passée. Je veux dire, j'ai arrêté comme l'année passée à travailler là-dessus. Il y en aura deux. Un est exposé à Critérium. Puis, depuis janvier, je travaille sur la série que j'appelle « Les effacements ». Donc, c'est encore la destruction, mais par la couleur. Donc, j'ajoute je prends mes œuvres et j'ajoute deux couleurs maximum pour cacher. Ça laisse paraître un peu ce qui est déjà, qui était là, mais très peu. Puis ça donc ça fait des tableaux qui sont plus sombres, mais c'est coloré. Fait que c'est ça qu'il y aura à Materia. J'en aurai 5 à Materia, des nouveaux. Et puis, mais il y a eu une période de confinement, hein? Et là, j'ai fait un projet de destruction, toujours, mais avec mes œuvres papier. Ça fait que j'ai pris les œuvres papier. Je n'ai fait que ça pendant des jours, pendant presque 2 ans, tous les jours. J'ai fait 225 collages à partir de des œuvres antérieures qui sont détruites. Donc ça, c'est comme marqué mon confinement pour moi. Ça s'appelle les explorations de confinement. Fait que ça a marqué une période. J'ai arrêté quand ils ont déclaré que la pandémie était terminée. Fait que c'était un travail facile, répétitif, puis on ne savait pas du tout où on s'en allait, hein, non plus. Là, est-ce que le monde va se terminer demain? Puis on se trouve bien insignifiant comme artiste à faire ce qu'on fait dans ces périodes-là. C'est vrai? T'sais, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Alors, j'ai fait ce travail-là comme pour continuer. C'était Odette Théberge, une artiste visuelle dont le travail sera exposé à Materia. Il s'agit d'une série de peintures où elle travaille notamment les effacements. Et à la Galerie Critérium, on pourra voir une œuvre papier qui est une œuvre textuelle qui sera installée dans l'espace. Le travail d'Odette Théberge a récemment d'ailleurs été exposé à l'œil de poisson lors de l'exposition collective de janvier de l'année dernière, janvier 2023. On se laisse pour une courte pause publicitaire et au retour de la pause, on poursuit l'émission spéciale dédiée aux 30 ans de la Maison Longue. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, en studio avec Mathilde Harvey-Morin dans Limoilou sur les ondes de CKRL 89.1. Et on fait ce soir une émission spéciale dédiée à la célébration des 30 ans de la Maison Longue, un atelier d'artistes qui regroupe 10 artistes en arts visuels qui y sont installés depuis des durées variées. Certains sont là depuis l'ouverture, d'autres y sont seulement depuis quelques années. Ils sont tous propriétaires d'ateliers de travail magnifiques où ils mènent leurs activités de conception et de production. Et j'ai eu l'immense plaisir d'aller à leur rencontre et d'effectuer des visites d'ateliers en prévision des vernissages, des expositions qui auront lieu. Le vernissage aura lieu à Materia ce jeudi 23 mai dès 17h et dès vendredi 24 mai, les expositions seront ouvertes au public et ce jusqu'au 8 juin. Et pendant les fins de semaine et les vendredis soirs, il y a aussi les ateliers qui sont ouverts, donc vous pouvez vous aussi aller à la rencontre de ces artistes de renom et rencontrer leur univers, mais aussi avoir la chance de voir des œuvres qu'ils conservent près d'eux parce qu'elles sont soit en cours de réalisation, soit elles font partie des collections des artistes. Alors, on poursuit notre visite des ateliers audio. On monte au deuxième étage. Au deuxième étage, le premier artiste qui m'a accueilli, il s'agit de Marcel Marois. Un artiste qui est connu pour le travail de tapisserie en haute lisse, mais qui nous parle d'œuvres d'aquarelle qui seront présentées dans le cadre des expositions. On l'écoute à l'instant. L'œuvre, ce n'est pas la série que j'ai faite à Paris. Parce que ça, la série que j'ai réalisée à Paris est déjà au Musée des Beaux-Arts, fait partie de la collection permanente du Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est comme la troisième suite. Alors, non, étant c'est ce que je vais montrer est 2008. Bon, c'est comme 5 ans après mon début à créer des œuvres sur papier. La couleur aussi, j'aime la couleur. Alors, je me paye la traite. Puis en même temps, je suis quelqu'un qui aime la multiplicité, la sérialité, la poursuite d'une idée, pas dans mes œuvres, mais dans différents éléments. Et depuis que je travaille, même au tout début, bon, la série a été vendue au Musée des Beaux-Arts, c'est que j'ai produit à Paris. Bon, j'avais 5 éléments. Elles ont, chacune ont leur individualité, mais elles prennent leur, comment dire, leur sens en comparaison avec son voisin, l'élément qui le voisine, la couleur qui le voisine, etc. Alors, puis aussi, alors c'est un peu ça que je m'accorde. Et bon, malheureusement, bon, à Critérium, il n'y aura qu'un seul élément. Alors, mais ça se défend très bien. Mm-hmm. Aussi individuellement, parce que l'œuvre, pourquoi j'ai choisi l'œuvre qui va être à Critérium, c'est que je l'ai déjà vue toute seule à la galerie qui me représente à Montréal, dans un collectif de la galerie, avec tous les autres artistes de la galerie, qui sont, bon, tous des artistes très contemporains, c'est une galerie très sélective. Bon, j'ai la chance d'être une galerie de très bons artistes, des artistes très connus. Alors, c'est confrontant. Puis je l'ai vu, cette œuvre-là, à travers les autres, à côté d'un Fernand Leduc, bleu. Et là, bon, même quand je rentrais dans la galerie, je ne pensais pas que c'était à moi. J'ai cru que c'était Molinari ou... c'est drôle de dire ça, mais je trouvais ça, bon, quoi, sans me prendre pour un autre, j'ai trouvé ça intéressant. Ben, je pense que Fernand Leduc, il faisait pour quelque chose à côté. C'est parce que, bon, j'ai un galeriste aussi qui a un grand sens de l'historicité. Puis ce parallèle entre cet artiste, bon, Fernand Leduc, ben, qui est plutôt des années 60, avec un monochrome bleu. Puis moi aussi, bon, c'est pas un monochrome, mais ben, presque. Mais il y avait 36 éléments. 12 bleus, 12 rouges et 12 gris. Il m'en reste quelques-uns, il m'en reste que 8. Bon, les séries bleues sont titrées silence de 1 à 12. Bon, alors il faut considérer que cette œuvre qui est titrée silence numéro 11, alors ils ont tous le même format. Bon, comme je vous dis, j'ai commencé à travailler une carrière engagée au niveau du textile, la tapisserie. Cette série-là, c'était une rupture avec tout ça, mais en même temps, c'est une rupture, puis en même temps, une approche. Les premières œuvres sur papier que j'ai réalisées, disons, étaient plus, je ne dirais pas gestuelles, mais peut-être plus automatistes, des tâches, des formes fluides. J'ai toujours travaillé avec l'aquarelle aussi, ça me plaît, sur différents supports. Mais là aussi, c'est un support papier différent, un papier oriental, presque opalescent, translucide. C'est très formel. Bon, c'est formel, puis en même temps, quand on parle de cette œuvre-là, c'est le lien avec les moyens, le processus. Alors, c'était Marcel Marois qui nous parlait de l'œuvre qui sera installée à Critérium, et qu'on pourra aussi voir d'autres de ses œuvres dans l'installation Amateria pour célébrer les 30 ans de la Maison Longue. On poursuit la visite du deuxième étage et on rend visite à la voisine d'atelier de M. Marcel Marois. Il s'agit de Nicole Malenfant, que plusieurs d'entre nous connaissent, pour son enseignement qu'elle a offert à l'Université Laval pendant, ben, je pense, les 20, peut-être 30 dernières années. On écoute Nicole nous parler de son travail. Ce que je présente aux deux expositions, c'est principalement en gravure. Pour Materia, c'est un nouveau procédé que j'ai expérimenté. Que j'ai commencé à l'automne comme projet de recherche à l'Université Laval, à l'École d'art, étant donné que je suis professeure associée là. Alors, j'ai tout à coup pensé à un projet de recherche et les deux œuvres que j'ai réussi à imprimer, à réaliser et à imprimer, donc sont terminées à l'heure actuelle et puis elles vont être présentées. Donc c'est vraiment un procédé, comme on dit, de recherche très sophistiqué là, dans le domaine de l'estampe. une photogravure encadrée chromée. Ben, moi, je suis contente, puis je suis surprise aussi à la fois. Je suis partie d'une gouache. J'avais une petite gouache. Partie d'une petite gouache que j'avais faite il y a quelques années, qui est toute petite, et puis je savais pas trop quoi faire avec. Et puis, c'est ça, à l'automne, tout à coup, je suis venue voir mes choses ici. Je vois la gouache, puis tout à coup, je me dis, ah, oh, mais si je les faisais en photogravure encadrée chromie. C'est une grosse aventure. Mais on est équipé à l'Université Laval pour faire ce processus qui est très sophistiqué. Alors, bon, une idée, je me lance. Et puis, avec l'aide d'un confrère, Sébastien Lavoie, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut choisir n'importe quelle couleur pour les superposer. C'est pas comme l'estampe numérique. C'est pas comme une impression numérique. L'impression numérique, la machine, elle est stricte. Elle fait la lecture, puis elle imprime comme ça. Tandis que nous, on a des quatre plaques, et puis je pourrais changer n'importe quelle couleur, ce qui est arrivé d'ailleurs. Je me suis trompée, puis ça a donné un résultat surprenant. Ça fait que, donc, c'est vraiment des beaux projets de recherche pour la création. Alors, j'en ai fait deux qui vont être présentés, celle-là, chez Materia. Alors, c'était Nicole Malenfant qui nous parlait de son processus, de sa recherche et de son processus de travail qu'elle mène à la fois dans son atelier, mais aussi avec les installations de l'Université Laval, puisqu'elle y enseigne et fait partie de la communauté de l'estampe depuis ses débuts, je pense, à Québec. Je pense qu'elle était là alors la création d'Engram, et que c'est à cet endroit qu'elle, Daniel et d'autres se sont rencontrés et ont décidé de créer ensemble la Maison Longue. On poursuit notre visite des ateliers d'artistes du deuxième étage de la Maison Longue et on part à la rencontre de Lauréa Marois. Ce que vous voyez là, les sept séries portaient le titre d'éclair obscur. L'éclair obscur. Donc, il y a eu l'éclair obscur série A, série B, jusqu'à, je pense, série G, en fait. Et là, avec une nouvelle production après l'exposition, mais c'est sûr qu'après une exposition, il y a comme une pause qui est nécessaire, où on réfléchit à la manière qu'on va poursuivre finalement notre recherche, en fait. Et puis là, ben, l'idée était, évidemment, on veut faire différent quand même un peu. Et puis là, ben, j'ai commencé à travailler dans un format un petit peu plus grand. Mais après un an, non, c'était pas ça. Finalement, j'ai décidé de respecter finalement le même format. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la couleur. Mm-hmm. C'est-à-dire, autant la série qui est là, la couleur, en fait, il y a de la couleur, mais c'est très sobre. C'est très, le chromatisme est très, très sobre. Contrairement ici, où justement, la couleur, en fait, est devenue beaucoup plus intense, en fait, et dense. Il y a à la fois très, très, très pur. En fait, c'est que chacune des séries, les sept séries, commence toujours par ce motif-là. C'est une photographie que j'avais faite lorsque j'étais à l'école des beaux-arts. Vous voyez qu'il y en a un qui est tout noir. Mm-hmm. Donc, c'est la même chose dans le même médium. C'est une série extraordinairement difficile à faire pour la simple raison que... Comment je pourrais dire? Le sujet commande, hein? C'est techniquement quel moyen je vais utiliser. Donc, c'est comme ça que certains éléments sont travaillés juste avec du crayon, un autre juste avec du collage, ou encore des techniques mixtes, en fait, acrylique. Donc, la plupart, c'est des collages, hein? C'est-à-dire que quand vous le regardez bien, il y a du collage au fond, et puis ensuite le motif est découpé, et ensuite, bien sûr, travaillé avec de la peinture. Ici, c'est une gouache, hein, gouache et collage. Il y a Et je suis très content parce que à l'intérieur, comme c'est sériel, c'est une séquence, hein, c'est comme, comme les jours de la semaine, quelque sorte, on ne peut pas les détacher ou encore les poser en haut et en bas, c'est comme ça. La lecture se fait à l'horizontale. Et voilà, ça c'est sûr qu'il y a une distance qui est beaucoup plus grande. Là, un peu ici, mon espace est réduit. Mais encore une fois, mais ce qui va lui permettre finalement de les lire individuellement avec beaucoup plus de... Prenez, il n'y a pas beaucoup de personnages chez moi. En fait, c'est surtout le paysage, l'environnement. Mais c'est pas, c'est aussi des scènes de la quotidienneté. En fait, c'est là que je puisse... Je suis beaucoup dans ma quotidienneté, mais aussi dans mon histoire, dans l'histoire de ma création. C'est-à-dire que l'art crée l'art. C'était Lauréa Marois qui nous parlait des sources d'inspiration de la série qui sera présentée à Materia. On poursuit la visite du deuxième étage à la rencontre de Lucie Lefebvre. J'ai toujours utilisé la photographie, mais j'ai toujours aussi détourné la photographie en ce sens que j'ai toujours essayé de jouer avec de l'illusion, de montrer autre chose que ce qu'elle projette de la réalité, qu'on prend souvent comme une vérité. Oui. Alors, je joue beaucoup avec l'illusion, l'idée de la perception qu'on a des choses. Alors, j'ai par le passé fait des montages d'objets, j'ai peint sur la photographie, puis ensuite j'ai peint à l'ordinateur avec des jeux différents, toujours pour détourner un peu la vision des choses. Et mon propos est souvent attaché à la biodiversité, à l'écologie depuis plus de 30 ans. C'est une question qui m'interpelle. Et donc j'aborde souvent le paysage, mais avec ses manières détournées. Pour voir aussi comment c'est quoi notre relation au paysage. Et comme mon médium, c'est la photographie, ben j'use la photographie pour nous faire réfléchir et nous lier aussi, nous amener à nos racines qui sont celles de la nature. Donc, nous rapprocher aussi de notre relation avec la nature, parce qu'on oublie un peu qu'on en fait partie quand on est très urbain, là, dans nos vies très accélérées. C'était Lucie Lefebvre. On a raccourci un peu l'extrait que j'avais capté. Elle nous parlait de toute sa démarche. C'est une très belle et quand même un grand format de photographie qui sera présenté à Materia. C'est une souche inversée sur laquelle Lucie intervient à la fois à la peinture, mais aussi avec la coloration de l'image. Donc, on peut voir son travail lors de l'exposition. On termine avec un dernier extrait qui a été capturé à la rencontre de l'artiste Jean-François Lahos. De le rendre plus beau ou du moins élever la conscience. C'était plutôt mon axe moi, pour arriver en art parce que j'arrive du milieu plus technique. J'ai fait mon cours en ingénierie. Et puis cet axe-là, à peu près avec un espèce de constat d'absurdité du monde d'une certaine façon, parce que dans mon métier, il n'y avait pas beaucoup, en tout cas à l'époque, ça fait déjà peut-être 20-25 ans que j'ai pratiqué l'ingénierie, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de soucis par rapport à l'éthique, le travail, tout ça. Fait que ça me prenait un milieu beaucoup plus libre pour pouvoir penser les choses, pouvoir exprimer les choses, pouvoir les essayer, les confronter. Puis c'est de là ma pratique de regarder le monde, d'essayer de l'exprimer. Puis j'ai une fascination pour les mathématiques, l'espace euclidien, plutôt la trois dimensions, tout ça. Ça me fascine. Les techniques aussi me fascinent. Donc j'essaie d'intégrer un peu d'intelligence dans tout ce monde technique. Et j'essaie aussi de pas trop le montrer dans ce que je crée. J'essaie de l'effacer le plus possible. Je suis pas du genre à montrer des ficelles, en tout cas le moins possible. Et c'est ça, j'essaie d'exprimer un peu mes préoccupations par rapport à la condition humaine, mais à travers la sculpture. Et ils sont totalement libres d'être lus et reçus. Ça, j'ai pas de problème. J'essaie pas d'insuffler une intention obligatoire là-dedans. J'aime bien la liberté de pouvoir dire les choses. Mais des fois, je crois qu'avec une intention, ça permet de lire une couche en extra des œuvres. Si moi, j'essaie. C'était Jean-François Lahosse. Il présente une sculpture dans l'exposition qui sera présentée à Materia. Une sculpture par formage de pièces en aluminium assemblées. Et à Criterium, il s'agit d'un algorithme qui génère des images à partir des mouvements capturés d'un essaim de mouches. Jean-François utilise beaucoup les algorithmes et les technologies pour magnifier, révéler la beauté des formes naturelles, particulièrement les formes d'essaim. Alors, je voudrais finalement terminer en remerciant Hélène Rochette, qui est la 10e artiste dont on n'a pas encore parlé ce soir, qui est une artiste visuelle sculpteur qui enseigne particulièrement la sculpture à la Maison des métiers d'art, où elle m'a enseigné. Et c'est un peu grâce à elle que j'ai eu accès aux ateliers de la Maison Longue, aux rencontres privilégiées avec les artistes. Aller à la rencontre des œuvres d'Hélène, il y a une immense sculpture, immense pour les dimensions de la galerie matérielle, avec toutes sortes de lignes graphiques. Le travail d'Hélène est très formel, stylisé, travaille avec les matérialités assez brutes, mais aussi avec la couleur et des formes inusitées. Et même dans son atelier, vous allez ressentir tout le jeu et l'inspiration qui bouillonnent chez elle. C'est une rencontre que je vous souhaite. Alors, merci beaucoup, Hélène. On écoute une dernière piste brève, musicale, et au retour, on fait un court agenda de la semaine et on se dit au revoir. Bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro. C'est le moment de l'agenda de la semaine. Deux brèves plugs pour des événements qui se déroulent en fin de semaine. Samedi 25 mai de 16h à 18h à la Galerie Lewis, c'est l'ouverture officielle de l'exposition « Heureux et ostentatoire » de l'artiste pluridisciplinaire Cathy Ouellette. Aussi, dimanche 26 mai de 17h à 23h, « Qu'il tapeur, Carrefour international de théâtre » et la Charpente des Fauves présentent ensemble une soirée de performance gratuite qui se déroule à la Charpente. La soirée de performance est pour un public averti, nudité et ou partielle ou complète et contenu explicite. Et la soirée de performance se déroule à même l'installation Vivarium pour célébrer l'aboutissement de ce très long projet. Il s'agit de 5 performeuses, 2 DJ et des artistes, artisans, artisanes de la communauté. Il va y avoir un tatoueur sur place, ainsi de quoi s'abreuver et manger. Donc, on se donne rendez-vous, on y sera. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produit et diffusé par Mathilde Harvey-Morin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.wordpress.com, mais aussi sur toutes les plateformes de diffusion, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de balado-diffusion que vous suivez. On vous invite également à suivre les pages Facebook et Instagram de l'Aérospatiale. Un merci énorme à Hélène Rochette ainsi qu'à tous les artistes de la Maison Longue pour m'avoir reçu, avoir accepté de jouer le jeu, de faire des entrevues avec nous. On se laisse sur une dernière piste et on se retrouve la semaine prochaine.